Comme s'il avait entendu son exhortation, Romula finit par se rendre aux raisons de son bourreau et à se montrer plus coopératif. Il désigna une porte basse, située à égale distance du pied des deux escaliers latéraux, où Mazas et Rick étaient postés. Le chef des pirates distribua ses ordres d'une voix curieusement au perché, qui ne correspondait pas à son physique impressionnant. Il enjoignit aux deux robots de surveiller l'entrée de la cour, ainsi que le prisonnier. Puis, il déploya ses hommes et se dirigea lourdement vers l'endroit qui venait de lui être indiqué, encadré par quatre gardes du corps d'origine topinguaise. Ces humanoïdes, grands échalas au teint blafard, qui semblaient glisser sur le sol plutôt que d'y marcher, étaient renommés pour leur talent de tueur froid et implacable. Lorsqu'ils acceptaient un contrat, la victime désignée était perdue sans rémission. La Carzassienne, qui connaissait leur réputation, sentit un léger frisson lui remonter l'échine. Par minicom, elle donna de rapides consignes à ses mercenaires qui se trouvaient en embuscade derrière certaines fenêtres du premier étage. Au top, vous balayez la cour en arc-choc. Il ne faut pas qu'un seul en réchappe. Au même moment, Rick prendra le robot de gauche et moi celui de droite. Un murmure d'acquiescement lui parvint.